20h01 à l'antenne de Campus 106,6. Eh bien, c'est le numéro 331 de Pyongyang City Rockers qui commence ce soir avec, pour une fois, un seul grand leader, pas de grande leaderice au micro. On va passer une heure ensemble en passant pas mal de choses qui ont rapport avec les concerts qui auront lieu ce week-end. Et puis sinon, des petites nouveautés ou choses beaucoup moins nouvelles. Par exemple, tout de suite, Eddie and the Hot Rods, un truc qui date de 1977. On se trouve là à la charnière du rock'n'roll et du punk tel qu'il était vu à l'époque. C'est-à-dire que en 77, ce que vous allez entendre là a été qualifié par certains de beaucoup trop violent pour être autre chose que du punk. Vous allez entendre, c'est quand même pas très très très méchant. C'est quand même des gens qui disent que simplement quand il y a du monde qui vient vous chercher noise, vous emmerder, vous dire quoi faire, faut dire que tout ce que vous faites c'est de la merde. La seule chose que vous ayez à faire c'est les ignorer et puis continuer à faire ce que vous voulez, à prendre du plaisir et surtout à faire avancer vos points de vue. Voilà, c'est Eddie and the Hot Rods avec Ignore Them en 77. C'était Eddie and the Trods, Ignore them, ignore-les, ignore-les, reste vrai, même si souvent c'est plus facile à dire qu'à faire. En voici quatre maintenant qui sont des vrais, ils viennent d'air sur la liste, c'est ASL dans ton PCR. Voici Bingo Crépuscule avec Restez vrai. C'était Bingo Crépuscule avec Restez vrai dans Pyongyang City Rockers, numéro 331 sur Campus 106,6. Ouais, voilà. Puisqu'on en est parler de quelques concerts, j'ai annoncé ça tout à l'heure. J'ai un petit texte quand même de quelqu'un qui devait être là, puis finalement qui a trouvé mieux à faire et donc à qui je passe un grand bonjour, c'est mon Gaël. Voilà ce qu'il nous raconte. Les Basques de Streetwise seront en concert pour la deuxième fois en Wallonie ce samedi 30 mars à la Taverne du Château, plus connue sous le nom de Chez Dolo, à Montigny-sur-Roc. Ils seront accompagnés d'autres Basques avec qui ils ont sorti un split en novembre dernier sur Mawashi Skins Records, Contra, The Firm Records, Tough 99 et Cassette Echo Hispanic. Quatre dates en francophonie en passant par la Suisse, la France et la Belgique. En ouverture de soirée, il y aura un groupe flamand qui fait du street punk qui s'appelle Street Truck Rebels. Ça commence à 19h, concert débute à 20h. Les bières sont pas chères. C'est organisé par Mawashi, l'association franco-belge bien connue. Eh ben, puisqu'on en est là, et pour annoncer, premier titre pour annoncer ce concert de samedi qui arrive, voici Streetwise avec Biggie Bat. Streetwise, une grosse claque en concert, je les ai vus l'année dernière au bout de nos rêves, et franchement je ne peux que recommander aux gens qui savent se déplacer jusqu'à Montigny-sur-Roc d'y aller, parce que samedi ça va encore être la grosse éclate. Voilà. En plus c'est des gens très sympas, donc voilà, c'est tout, hein. Et puis en plus il y aura que du monde bien. Que du beau linge. On continue avec les concerts qui vont avoir lieu ce week-end. Et puis, je vais vous parler un peu de Night Vision pour dire que simplement, ces Rouennais vont passer au Pits ce vendredi 29 mars en compagnie de Dogmen, la nouvelle sensation tournaisienne, et Veto, la toujours sensation dakarquoise. Et puis, sinon, les trois mêmes groupes seront samedi 30 mars à Louis Pleur Night numéro 8 à Clark, pas le trop loin de Saint-Omer, là, donc ça sera le samedi 30 mars. Voici donc Night Vision, si j'arrive à les choper. Oui, ils sont là, et puis ils vont vous faire Shower. This name of this one is Nazi Punks Fuck Off. I know. Ready? Don't you feel nice and relaxed right now, Klaus? I'm not supposed to for this team. I'm angry. Okay. Ready? Yeah. Let's see if we can get it a tiny bit faster than that last rolling. One, too. What's this, Nazi Punks Take 3? Hold it! Okay, just start again. Real fast. Nazi punks, fuck off, take 3. Le premier à être emmené, à moins que tu commences à penser, vous avez tous reconnu Dead Kennedys avec Nazi Punks Fuck Off, pas la Take 4 qu'on entend sur leur mini-album, là, In God We Trust, mais la Take 3, en ce moment ça se retrouve pas mal sur les réseaux ces trucs-là, c'est bien, ça permet d'entendre un petit peu d'ambiance studio où ils rigolent, un petit peu. Bon, de quoi parle-t-on maintenant? Encore on a un concert qui va avoir lieu ce vendredi, mais cette fois-ci pas au Pizza, mais au Pico Bistro à Lille. Il y aura Mythosil, c'est les anciens Crocodile Dandies, ils font de l'électro-punk, on va dire, ouais, ça. Et puis, ils seront en compagnie de Bed Bugs Club, qui font, je sais même plus, du post-punk, voilà. Ça sera au Pico de ce vendredi 29 mars. On va les écouter dès maintenant avec Balance Topor. Va savoir, vous allez entendre la voix de Topor Roland. Mythe aux îles, Balance Topor. À quel âge êtes-vous né? Pourquoi? Dans quelles intentions? Par où êtes-vous sorti? Y êtes-vous retourné? Possédiez-vous un ordre de mission? Étiez-vous plutôt en congé? Qui se rassemble autour de lui lorsque l'enfant paraît? Qui parle? Combien de choses pouvez-vous faire en même temps? Sans les mains, sans les pieds, sans les dents, sans les yeux, ne pourriez-vous pas vous moucher? Votre mouchoir est-il plus sale que votre nez? En éprouvez-vous du dépit? Merci Mitozil, vous écoutez Pyongyang City Rockers sur Campus 106,6, c'est notre numéro 331 dans lequel on fait la part belle aux concerts qui vont avoir lieu le week-end qui arrive. Et bien justement ce samedi, je vous ai déjà passé un titre d'un groupe qui va passer à Montigny-sur-Roc au concert organisé par Mawesh et Skins, c'était Streetwise. Maintenant voici un deuxième extrait d'un autre groupe de cette affiche magnifique, Street Rock Rebels, les Flamands qui vont vous balancer leur victory. Street Rock Rebels. We'll be right back. Dans le Pyongyang City Rockers numéro 330, donc la semaine dernière, Gaël vous a passé un titre de Crisis, les très anciens anglais de la fin des années 70 et du début des années 80. Ce titre de Crisis, c'est Holocaust, mais il l'a passé dans une reprise récente par les Français de Gonna Get Yours. Personnellement, c'est un titre que j'avais appris à connaître, non pas avec Crisis, mais avec un groupe allemand qui s'appelait Pride Citizens. De quoi ça cause? Cause simplement, c'est quand même un truc qui date d'il y a plus de 40 ans, et déjà à l'époque il y a des gens qui s'alarmaient du fait que les nazis commençaient à relever la tête, et que si on les laissait faire, on allait forcément se retrouver tôt ou tard avec des camps de la mort, des gens enfermés, et puis qu'on fait mourir de toutes les manières possibles et imaginables. C'est quand même assez curieux que 40 ans après, justement, on en soit toujours à alerter et puis à se battre, mais... trop peu nombreux face à ces enfoirés. Voici donc ma version de reprise de Holocaust par les Upright Citizens. Elle date de 82, c'est sur leur premier EP, à savoir pour la culture que Upright Citizens, c'est le premier groupe punk allemand qui a fait une tournée complète en Amérique du Nord, donc Canada et États-Unis. Ils avaient du coup noué pas mal de contacts et leur deuxième album était sorti, entre autres, sur des labels américains. Et c'est comme ça qu'ils avaient ensuite refait cette chanson-là, mais avec un arrangement, on va dire, un peu trop musical à mon goût. En tout cas, ici, c'est beaucoup plus hardcore et rentre-dedans et brut. Voici donc Holocaust par Upright Citizens, la version de 82. Une petite chanson pour les enfants, car c'est ma passion, pour leur faire découvrir un endroit dont on parle moins que le Puy du Fou, et moi je trouvais ça dommage, donc voilà. poids. On n'aime pas aller en cours, on n'aime pas les dentistes. On donnerait tout pour que rien de tout ça n'existe. Mais il y a sur Terre un endroit où il n'y a plus rien de tout ça. Pas d'école et pas de haricots verts. Et en plus c'est au bord de la mer. Un endroit où tes parents ne t'embêtent pas tout le temps parce que tu n'as plus de parents. Où tu dois pas partager avec tes frères et sœurs parce que tu n'as plus ni frères ni sœurs. Un endroit où tu peux être dehors toute la journée parce que ta maison, elle est toute cassée. Et cet endroit, tu peux y rester toute ta vie. De toute façon, il n'y a pas de sortie. Y'a des endroits très kids-friendly comme le parc Astérix ou Walibi. Et puis y'a d'autres endroits comme Gaza. Quand on est petit, souvent on tourne en rond. On ne sait pas quoi faire, on trouve le temps long. Là-bas y'a plein de suspense, on ne s'ennuie jamais. Seras-tu encore vivant à la fin de la journée? Vas-tu trouver de l'eau? Vas-tu retrouver ton bras? Est-ce que demain l'hôpital sera encore là? On peut jouer à deviner où vont tomber les missiles ou au Jenga avec les dépouilles des civils. Et s'il y a un autre enfant qui t'embête, y'a qu'à attendre qu'il se prenne un obus dans la tête. Pas de quoi se lamenter, non, pas de quoi être triste. Sans doute que dans sa couche il cachait un terroriste. Y'a des endroits très friendly, comme le parc Astérix ou Walibi. Et puis à d'autres endroits comme Gaza. Voilà, c'était Guy Adret, repompé sauvagement par mes soins sur une émission récente de France Inter, comme quoi des fois on trouve encore des choses qui peuvent être intéressantes sur cette radio qui a quand même bien baissé. Le titre c'était Gaza oui oui, il s'agit bien sûr pas de faire une comparaison trait pour trait avec l'Holocauste. La politique israélienne ayant en effet ses propres mérites et ses propres caractéristiques. Voilà. Puis maintenant, eh bien, on en est à passer encore quelques petits trucs qui vont se passer dans ce pendant ce week-end en concert. Par exemple, Cryptids, c'est encore des Belges, ça, ouais. Ils vont passer avec un gars du nom de Attic Ted et un autre type qui s'appelle Grumps, qui lui fait, paraît-il, de l'impro. Attic Ted, vous allez l'entendre juste après. Pour l'instant, c'est les Cryptids avec Signal, et ensuite il y aura Attic Ted avec Howdy Ma'am. listen to the issue of the war. Don't get an idea that you're the one. Feel the fear getting yourself. Feel the fear getting yourself. Renovate. C'était à l'instant Attic Ted avec Howdy Ma'am, mais juste avant lui, il y avait des Cryptids avec Signal. Ces deux-là seront au CCL ce samedi 30 mars avec un troisième larron qui s'appelle Grumps. Ça, c'est vraiment si vous pouvez pas vous déplacer jusqu'à Montigny-sur-Roc, parce que si vous pouvez aller jusqu'à Montigny-sur-Roc, c'est tout près de Dour, vous voyez. Donc un peu après Valenciennes, vous allez à Montigny-sur-Roc, chez Dolo, ou autrement dit la taverne du château, où il y aura le concert organisé par Mawashi Skins, c'est-à-dire Streetwise, Street Rock Rebels et Arenesei que nous allons pouvoir écouter dès maintenant avec leur titre phare sorti sur leur split EP qu'ils ont partagé avec Streetwise sur Mawashi Skins Records d'ailleurs. Voici donc un Arenesei avec Mugalari. We'll be right back. Bon, bah, des fois, faut annoncer les sales nouvelles au moment où on les apprend, et ça fout les boules. Vous écoutez Pure Gangsta Rockers, hein, d'ailleurs, on a oublié de le dire, et puis donc, bah, voilà, il fallait s'attendre à ça, vu qu'on savait qu'il était malade depuis un bon bout de temps maintenant. Je parle de Will. Willy de Hiatus, donc dont on apprend, enfin dont j'ai appris il y a quelques minutes que bah ça y est, il est décédé. Il avait eu sa rémission qui avait permis de repartir un petit peu sur la route, un peu partout en Europe pour faire des concerts. On avait eu le privilège de le voir une paire de fois à Ypres, à Lille, enfin à Wascal, enfin etc. Bah voilà, c'est fini. Salut Will, RIP. Et puis ben, on va maintenant passer à un petit titre de Hiatus, Life Conception. C'était les Bruxellois de Tesson avec Fracture, encore une petite annonce de concert. Vu que c'est la fin de l'émission, il reste à peine 9 minutes, c'est Pyongyang Styrokers numéro 331. Ce lundi 1er avril au Centre Culturel Libertaire à Lille, il y aura Corrupt Vision, Jody Faster, Flesh Creep, Dogmen et Ayukaba qui seront donc ouais, au CCL à partir de autour de 20h30. Bah, voici donc Corrupt Vision avec leur vision très personnelle et très audacieuse du ska punk. Corrupt Vision avec Body Cams Off. We'll be right back. Animal More, encore un super groupe actuel à Lille, qu'on a déjà passé, je pense, au moins une fois dans cette émission. Les voici dans Défoncé. J'ai ma petite main qui pleure, mes doigts sur le comptoir et ma petite main qui meurt, accrochée à l'abreuvoir. Ma vue est à ras de terre, mon cœur est tout pourri, rempli d'images amères au fond d'un verre confit. Et la petite main qui meurt, mes doigts en serrent la mort. C'est la petite main qui meurt comme le reste de mon corps. Ouais, vraiment, c'est pas la soirée ce soir. Animal More avec Défoncé. Quoi de mieux que après un titre où ça parle de picole, de passer à un groupe qui s'appelle Empty Bottles, les bouteilles vides, c'est des Belges, et puis le titre, je sais absolument pas de quoi ça parle, en tout cas le titre c'est Meuille le pâté. Il est 20h57, passé de 30 secondes, et on va devoir déjà se quitter, en écoutant un petit titre d'Ariel Kids qui démarre maintenant, voilà. Baby, give it to the waves. C'était Pyongyang City Rockers numéro 331. Continuez d'écouter les émissions de Radio Campus, il y a plein de choses bien. D'ici quelques secondes à peine, il y aura l'excellent JD avec son Teeth Grinder. Mais que va-t-il passer ce soir? À 22h, ce sera B-Boy Bouillabaisse. Et à 23h, si je ne m'abuse, ça sera la fine équipe de Camos. Ce soir, c'est occupé. On se retrouve la semaine prochaine pour le 332e numéro de Pyongyang City Rockers. Et en attendant, on n'oublie pas. ACAB.